Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le ministère des Transports donne le numéro vert 413 qu'on peut appeler pour dénoncer des transporteurs ayant augmenté le prix du ticket de transport ou ayant surchargé leur véhicule avec plus de passagers que prévu. Et les habitants d'Otien Dajuru en province Tiankouzo sont suffisamment sensibilisés à l'usage des latrines bien aménagées puisqu'en 4 mois, ils sont passés de 17% à 91% grâce aux efforts conjugués de l'administration et différentes ONG à travers le projet Tuehoneza qui a été clôturé ce mardi. Notre correspondant nous en donnera les détails. Et dans le reste de l'actualité internationale au Kenya, les professionnels de santé étaient ce mardi à leur deuxième journée de grève dans l'attente que le gouvernement prenne en compte leurs revendications. Ils protestent contre le manque d'équipements de protection individuelle et d'assurance maladie pour les travailleurs de première ligne qui luttent contre la propagation du coronavirus. Et dans la chronique « Parle et rassure-moi », comme tous les mercredis, nous verrons que le cynisme, c'est-à-dire la célébration de la souffrance de l'autre, est source de messages de haine dans la société. Ce sera la fin de ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Le ministère des Transports appelle aux passagers qu'ils peuvent appeler au numéro vert 413 quand les transporteurs montent le prix du ticket de transport ou quand ils ne respectent pas les places disponibles. Jérémy Barigwaninzigo, secrétaire permanent au sein de ce ministère, affirme que cela s'observe souvent en période de fêtes de fin d'année. Il interpelle la police de roulage et de sécurité routière d'être toujours vigilante et de punir sévèrement ceux qui ne se conforment pas à la loi. On l'écoute. Et comme vous le savez, vers la fin de l'année, il y a certains transporteurs qui abusent dans le transport des personnes, surtout en leur haussant les prix, le ticket de transport de Bujumbura vers l'intérieur du pays ou bien de l'intérieur du pays vers d'autres lieux de province. Et nous avons voulu tenir cette réunion pour avertir ces transporteurs afin qu'ils puissent respecter comme il faut les tarifs des prix du transport. Toute personne qui ira en dehors de ces prix, il sera puni conformément à la loi. Et en plus de ça, nous avons voulu informer que suite à ces fêtes de fin d'année, qu'il n'est pas permis aussi de superposer les personnes. Il faut que les places soient respectées dans les bus. Il ne faudra pas que ces transporteurs mettent des personnes de plus par rapport aux places disponibles. Nous avons aussi demandé à la police de roulage pour que cette police puisse être vigilante lors de ces jours de fin d'année et surtout à nous aider à surveiller comme il faut ces personnes qui iront en dehors de cette réglementation. Et nous avons donné le numéro vert de la police de roulage qui est 413 et toute personne qui verra que ses droits seront bafoués, elle pourra nous appeler à son numéro de police 413 pour que cette police puisse intervenir à temps. Jérémy Banirguaninzigo, secrétaire permanent au ministère des Transports et au PC2 de Désiré Niyongabo, commandant adjoint de la police de roulage et de sécurité routière, avertit et rappelle aux transporteurs que des sanctions seront toujours prises contre ceux qui ne respectent pas le code de la route. C'était lors d'une conférence de presse de ce mercredi organisée par le ministère ayant le transport dans ses attributions. Les chiffres montrant les habitants de la commune Tiendajuru utilisant les latrines bien aménagées sont passés de 17% à 91% en 4 mois. Cette évolution dans l'hygiène est le fruit des efforts conjugués des ONG et de l'administration. Et c'est ce qui a été dit ce mardi lors de la clôture du projet Tuehoneza, exécuté par les ONG COPED, World Vision et CARE en commune Tiendajuru. Le gouverneur de la province Tiankouzo a saisi cette occasion pour demander à la population de mettre en avant leur hygiène sans attendre un appui extérieur. Raymond Moudende. En 4 mois seulement, les usagers de latrines bien aménagées en commune de Tiendajuru ont passé de 17% au mois d'août à 90% à la fin du mois de novembre 2020. Cette évolution a été le résultat de l'effort conjugué des ONG comme COPED, World Vision et CARE avec l'administration locale de cette commune de Tiendajuru. Ce mardi, lors de la clôture de la première phase du projet Tuehoneza qui met en avant la promotion de l'hygiène dans cette commune, Boniface Banyezako, gouverneur de la province de Tiankouzo, tout en remerciant l'appui de ses ONG, a demandé à la population de mettre en avant leur hygiène sans attendre l'appui de qui que ce soit. Il a informé qu'une campagne de vérification par les autorités administratives de la province de Tchangouzo est prévu pour vérifier ceux qui utilisent les latrines bien aménagées dans toute la province de Tchangouzo. Parlant de cette évolution d'utilisation des latrines bien aménagées, sachez également que le nombre de ceux qui utilisent les dispositifs de lavage d'eau main a passé de 18% à 80% toujours dans cette commune de Tchendajuru. Depuis Tchangouzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples se dit préoccupée par la situation des réfugiés burundais en Tanzanie et dont le respect des droits des fondamentaux tels que l'accès au droit d'asile et le principe de non-refoulement seraient compromis. Dans un communiqué sorti le 15 décembre 2020, Maya Sal Fadel, rapporteur spécial sur les réfugiés déplacés internes et demandeurs d'asile, a rappelé que l'octroi du droit d'asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Dans son communiqué, commissaire Maya Saïli Fadel, la rapporteure spéciale sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les déplacés internes et les migrants en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, a dit qu'elle est particulièrement préoccupée par la situation des réfugiés burundais en Tanzanie, dont le respect des droits d'asile et le principe de non-refoulement seraient compromis. Maya Saïli Fadel a dit que de nombreux rapports des mois précédents faisant état de manœuvres d'intimidation à l'endroit des réfugiés burundais afin de les pousser à quitter le pays lui sont parvenus et d'autres rapports font état des menaces d'expulsion par le gouvernement tanzanien, la fermeture et la destruction des marchés dans les camps, l'imposition des restrictions à leurs activités commerciales ainsi que l'accès aux différents services et la liberté de circuler. Selon ce communiqué, il y aurait également des cas de disparition forcée dans certains camps de réfugiés burundais qui sont extrêmement préoccupants et qui constituent des atteintes à l'intégrité des personnes et qui compromettent la sécurité des camps et aux alentours. Maya Saïli Fadel demande aux autorités tanzaniennes de mettre un terme à toute manœuvre d'intimidation visant à cet objectif. Elle demande également au gouvernement de coopérer pleinement avec le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies en ce qui concerne la prise en charge des réfugiés burundais ainsi que leur retour volontaire. La rapporteure spéciale termine en rappelant que le droit d'asile tel que consacré par la Convention de l'Union africaine régissant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique requiert des États parties qu'ils s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir dans le cadre de leur législation respective pour accueillir les réfugiés et assurer l'établissement de ceux d'entre eux qui pour des raisons sérieuses ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalité. Jean-Marie Mayonga. Et en actualité nationale en bref et internationale, un corps d'un homme dont l'identité n'est pas encore connue a été découvert ce mercredi matin dans le quartier Birimba de la ville de Rumonge. Ceux qui ont vu ce corps avant son transport à la morgue de l'hôpital public de Rumonge disent qu'il présentait des traces de bâton sur son corps. Au niveau de la police de Rumonge, l'on indique que les informations à leur disposition disent que le défunt serait originaire de Moussigny en province de Bubanza et il se serait récemment installé dans la ville de Rumonge. Sept suspects dans cet incident sont déjà arrêtés pour enquête. Et de vastes étendues de champs de maïs, de bananiers, de manioc et autres cultures ont été sérieusement endommagées par des pluies torrentielles tombées ce mardi sur plusieurs collines de la commune Musigati de la province de Bubanza. La plus touchée étant la colline Buhurika, selon les habitants de la localité, où presque toutes les cultures sont par terre. Les cultivateurs craignent de ne pas avoir de récolte cette saison culturelle suite à une forte pluviosité. Les statistiques relatives aux accidents de la route au Burundi pour la période 2016 à 2019 montrent une augmentation de cas avec autour de 4000 en 2016 et plus de 5000 l'an passé, d'où des effectifs élevés de décès et de blessés. Cela ressort d'une enquête menée par Pilote Sébastien, spécialiste de la sécurité routière, et présenté ce mercredi à Ngozi lors d'un atelier de sensibilisation sur la prévention des incapacités et handicaps liés aux accidents de la route. Cette étude révèle que 90% des accidents au Burundi sont liés au comportement des conducteurs de véhicules, motos et autres engins. Il demande plus de conscience à tous en vue de la réduction de ces accidents qui ne cessent d'emporter des vies humaines. Et dans le reste de l'actualité internationale, au Kenya, les médecins étaient ce mardi à leur deuxième journée de grève et poussent les gens à patienter devant les hôpitaux. Dans l'attente que le gouvernement prenne en compte leurs revendications, médecins et autres personnels médicaux essentiels redirigent les cas les moins critiques vers des établissements de santé privés. L'Union des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya a appelé ses 7200 membres à protester contre le manque d'équipements de protection individuelle et d'assurance maladie pour les travailleurs de première ligne qui luttent contre la propagation du coronavirus. Vous saurez que le Kenya a rapporté 94 500 cas de COVID-19 depuis que le premier cas positif a été détecté. C'était à la mi-mars et 1639 décès jusqu'aujourd'hui. Et en République centrafricaine, l'ONU demande le maintien des élections présidentielles et législatives de dimanche prochain malgré les attaques. Ce mardi, cette organisation a affirmé que les élections devront se dérouler à la date initialement prévue et ce, en dépit de la pression exercée par l'alliance des trois groupes armés majeurs du nord du pays. En effet, ce mardi, des rebelles ont pris le contrôle de la ville de Bambari, la quatrième ville du pays, à 300 km de Bangui, la capitale. Mais l'appel aux urnes pourrait être compliqué par l'accentuation des violences. Et si la capitale Bangui est calme, plusieurs villes ont été cibles d'attaques, les deux tiers du territoire restant occupés par des groupes armés. Difficile dans ces conditions de croire que la mobilisation sera massive face à la peur de représailles. Parle, rassure-moi. La célébration de la souffrance de l'autre peut conduire à des messages de haine dans la société. Et cela a pour conséquence la guerre et les exclusions dans tel ou tel autre groupe. Explication de l'abbé Pascal Nyonguru qui dit qu'il faut une politique adaptée au moment pour lutter contre les messages haineux qui amènent souvent aux violences. Oba Nyonguru. Chaque individu naît et grandit dans une famille qui, elle aussi, a une appartenance dans un groupe quelconque. Lorsque sa famille ou son groupe subit un événement malheureux, les conséquences finissent par toucher toute la communauté et de là commencent des groupes, explique Abbé Pascal Nyonguru. Même si les sociologues disent que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une partie qui dit que chaque personne qui naît, il a une tendance aussi du mal. On est dans une société qui est déjà construite, alors on l'a contaminée. Et la contamination, ici au Burundi, vient aussi des événements historiques. Depuis des années et des années, nous avons reçu une connotation qu'est-elle est un groupe de l'ethnie Hutu ou Tutsi ou même toi. Alors on est déjà identifié, ce qui fait que les événements historiques que nous avons eus ont eu une influence sur certains groupes et ont fait que certains groupes soient identifiés de mauvais ou de bons. Avec les groupes au sein des communautés qui se regardent en chien de faïence, commencent des messages de haine qui sont échangés. Suivez encore Abbé Pascal Nyonguru. Beaucoup de fois, les sources des conflits au Burundi, ce sont les dangers qui sont dans un ou deux groupes comme ça. Si par exemple, je n'ai plus à manger, directement je vois l'autre qui est la cause de tout ça. Ce qui veut dire que je dois être en conflit avec lui. Prenons pour être concret la période électorale. Je cours pour avoir pas seulement de l'honneur, mais aussi de quoi manger. Parce que dans la politique burundaise, on a à manger si on a un poste quelque part. Alors si je te vois que tu n'es pas de ma politique, je suis prêt même à t'insulter pour que tu sois humilié, pour que tu ne sois pas bien reçu dans la population. Et comme ça, je serai sûr que même après les élections, tu n'auras rien. Il poursuit en disant que s'il n'y a pas à temps une solution, cela conduit à la déchirure de la société. Ça conduise toujours à la déchirure de notre société. Si nous avons de la chance, nous pouvons avoir des gens intègres qui se positionnent entre les deux groupes pour au moins leur dire que ceci n'est pas de son temps, qu'ils doivent s'adapter à la politique du moment. Ça conduise toujours aux insultes, même des fois rangées. Donc, il nous faut un changement de mentalité. Pour trouver une issue durable, il propose d'entrer au fond pour analyser et comprendre les racines du conflit. Il indique aussi qu'il faut adapter la politique du moment selon le contexte.